Chapitre 338. La réprobation de mettre les mains sur les hanches pendant la salat. 1752. Abu Huraira, radiallahu anhu, a dit: il nous a été interdit de mettre les mains sur les hanches pendant la salat. Al-Bukhari et Muslim.